Top 6 des pays avec le plus de milliardaires. Le sixième, c'est la Suisse avec 100 milliardaires dans le pays, dépassé de peu par le Royaume-Uni et l'Allemagne qui ont respectivement 134 et 141 milliardaires. Ensuite, on arrive de plus en plus haut et là, vous allez voir que la population a de plus en plus de place pour savoir qui a le plus de milliardaires. Numéro 3, l'Inde, 177. Numéro 2, les États-Unis, 696. Et oui, on vient de faire un bond. Et numéro 1, la Chine, avec 1058 milliardaires. C'est énorme. Et la France dans tout ça, ça m'intéresse parce qu'en tant que premier compte de finances perso qui n'a rien à te vendre, plus on monte dans le classement, plus ça veut dire que je fais bien mon travail. Donc nous, en France, on est 8e avec le score de 68 milliardaires. Et comment si tu seras le 69e l'année prochaine ?